Nouvelle-Calédonie. Energy 93.5. Bonjour, il est 6h, ravi d'être avec vous pour une nouvelle semaine en ce lundi 5 septembre. Nous souhaitons une bonne fête à Raïssa. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Un véhicule fonce sur un gendarme à Thiot pour éviter les herses. Heureusement, l'agent a eu le réflexe de s'écarter. Il s'en sort avec une blessure légère au tibia. Un piéton fauché à Canala. Le conducteur aurait vraisemblablement confondu l'axe de la station-service avec la route. Le piéton se trouve dans un état préoccupant. La diaspora indonésienne déroule le tapis rouge au sultan de Yogyakarta. Sa visite pour les 120 ans de la présence indonésienne revêt une forte valeur culturelle et sentimentale. Auteur d'une thèse de géographie sur les territoires et la mobilité kanak, le calédonien Pierre-Christophe Pintz, jeune docteur en géographie, s'est vu remettre le prix des trois océans par la ministre de l'Outre-mer pour son parcours étudiant. Des milliers de membres de la communauté chinoise d'Île-de-France se sont réunis dimanche à Paris, un mois après l'agression mortelle de Zhang Shaolin, pour réclamer davantage de sécurité et la reconnaissance du racisme anti-asiatique. En Allemagne, l'élection régionale du Mecklembourg-Poméranie occidentale a vu ce dimanche une forte percée d'extrême droite. Si le scrutin a été remporté par les sociaux-démocrates, le parti anti-migrant a pris la deuxième place devant celui d'Angela Merkel, qui est pourtant élue de la région. Il faudra désormais l'appeler Sainte Teresa de Calcutta. Ce dimanche, Mère Teresa a été canonisée à Rome par le pape François. Enfin, les États-Unis, la Chine, les deux plus grands pays pollueurs de la planète, ont ratifié ensemble samedi l'accord de Paris sur le climat, ce qui pourrait faciliter son entrée en vigueur d'ici la fin de l'année. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Énergie, il est 6h03. Dans certains pays, les filles le font, dans d'autres, elles ne l'ont jamais fait. Et maintenant, ça n'est plus qu'une journée citoyenne. Le service militaire est devenu obligatoire un 5 septembre, mais de quelle année? On verra ça dans quelques instants, juste après Jennifer Lopez. Yeah. D'énergie, c'est un jour, un événement. 5 septembre, on va remonter bien loin. 1798, le service militaire devient obligatoire. Oui, oui, oui, c'est la loi Jourdan d'Albrel qui l'institue. D'abord baptisé service militaire, cette conscription est une évolution républicaine de la garde bourgeoise et des milices provinciales instituées par Louvois. Il est obligatoire pour les 20-25 ans. Il a connu plusieurs formes depuis la Révolution. Dans sa dernière forme, il est devenu théoriquement universel et égalitaire, mais n'était en réalité obligatoire que pour les hommes. Le 28 mai 1996, le président de la République, Jacques Chirac, annonce sa décision de professionnaliser les armées et de suspendre le service national. Énergie, Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Votre quotidien. Les Nouvelles-Calédoniennes organisent son 4e forum de l'immobilier du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2016. Acheter, vendre, construire, louer ou encore investir à l'étranger. Tous les professionnels de l'immobilier vous attendent pendant 3 jours à la Maison des Artisans à Nouméa. Le 4e forum de l'immobilier des Nouvelles-Calédoniennes à visiter absolument en partenariat avec Tropic Immobilier. Entrée libre et gratuite. Plus d'infos sur notre site forum.limo.nc ou sur notre page Facebook Forum de l'immobilier. Body Action, nutrition sportive, matériel de remise en forme, fitness et accessoires. Faites-vous conseiller par Body Action. Toutes les infos sur Facebook. Body Action, le seul spécialiste de la forme depuis 28 ans. La cuisine au restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une affaire de passionnés. Régalez-vous d'une cuisine délicieusement originale. Des nouvelles recettes chaque semaine, le goût de l'innovation dans une carte pleine de saveurs, une formule de prix sans surprise, à tarif unique, au choix, à la carte. Le restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une cuisine de caractère. Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, baie de l'Orphelinat. Réservation au 25 17 05. Le patrimoine qui fait rêver. Tout un programme, n'est-ce pas? C'est en tout cas le thème du mois du patrimoine. Il a commencé le 3 septembre et se terminera le 1er octobre. Le mois du patrimoine est un grand événement culturel où chaque année de nombreuses associations, les musées et les institutions sont mises en lumière pour vous proposer gratuitement des animations, des expositions et des rendez-vous surprenants. Partout en province sud, le patrimoine va vous faire rêver. Téléchargez le programme sur province-sud.nc. La province sud, une collectivité d'action. T'es passionné de foot ou de futsal? Ça y est, le complexe du soccer NC ouvre ses portes le 10 septembre en partenariat avec Énergie. À cette occasion, le soccer NC t'offre un voyage pour l'IFU pour deux personnes avec deux nuits au Tamanu Beach à la tribu de Mou. Deux petits déjeuners, le transfert aller-retour d'une valeur de 73 050 francs. Alors tente ta chance, envoie soccer au 41 et gagne un voyage pour l'IFU pour deux personnes. Tirage au sort du gagnant vendredi 9 septembre à 14h. Envoie soccer au 41. 360 SMS. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie. C'est de la bombe. Énergie, music only. Music only. There's a humming in the restless summer air. And we're slipping off the course that we prepared. But in all chaos there is calculation. Dropping glasses just to hear them break. You've been drinking like the world was gonna end. Took a shine from the fist of your best friend. It's clear that someone's gotta go. We mean it but I promise we're not mean. And the cry goes out. Oh, oh, oh. They lose their minds but coming for blood. You could try and take us. Kid in every way but one. God knows we like our kid kinds of fun. Chance is the only game I play with, baby. We let our battles choose us. No one around here's good at keeping their eyes closed. The sun's starting to light up when we're walking home. Tired little laughs, gold light promises. We'll always win at this. I don't ever think about death. It's alright if you do, it's fine. We gladiate, but I guess we're really fighting ourselves. Roughing up our minds, so we're ready when the kill time comes. Wide awake in bed, words in my brain. Secretly you love this, do you even wanna go free? Let me in the ring, I'll show you what that big word means. Premier pas posé, on marche un instant avant de tomber. Dans la cour d'école, on a beau jouer, on finit au sol, le genou blessé. On tombe amoureux et le cœur lancé, il fait de son mieux avant de casser. C'est un jeu de qui on est tous conviés. Les garçons, les filles, tour à tour tombés. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Tomber chaque fois aujourd'hui, après. Sommes-nous maladroits, faisons-nous exprès. Au milieu des autres, on est tous suspects. C'est à qui la faute qui nous a poussés. On fait ce qu'on doit pour ne plus tomber. C'est toucher du bois, parfois même prier. Et puis ça revient, ça envoie valser. Les fous et les rois, le pays entier. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Alors bien sûr, s'aperçoit que rien ne dure, pas même soi. Mais malgré tout, on recommence. D'abord un pas, ensuite un sens. Et puisqu'un jour on se relève, que tout combat finit en trêve, on peut tomber une fois encore et se savoir un peu plus fort. Car nous sommes toujours debout, toujours debout. Nous sommes toujours debout, toujours debout. C'est à 29 ans que je suis tombé, un peu plus qu'avant le 28 janvier. Depuis c'est le vide que tu as laissé, la vie qui décide de me relever. Rendez-vous dans le Morning d'Énergie avec Matériau Center. Réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. En ce 5 septembre, c'est la journée internationale de la charité. Très bien. En ce 5 septembre, c'est la journée internationale de... Ouais, la charité, c'est facile, je viens de le dire. Non, c'est aussi celle de la sensibilisation vautour. Mais oui. Allez, on commence par la première, l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le 5 septembre 2012, c'est très récent, a proclamé que cette date serait désormais celle de la Journée Internationale de la Charité. Elle invite tous les États membres et les organisations internationales et régionales à célébrer la journée en encourageant la charité, notamment par des activités pédagogiques et de sensibilisation. Alors, pourquoi cette date? Eh bien, il faut savoir que c'est aussi la date anniversaire de la disparition de Mère Teresa, survenue en 1997. Mère Teresa qui est toujours dans l'actualité puisqu'elle vient d'être canonisée. Il y a donc une Sainte Teresa maintenant. Et puis la journée internationale de sensibilisation aux vautours. À l'heure actuelle, les vautours sont victimes de désinformation et souvent présentés comme des animaux nuisibles. La création de cette journée vient à point nommé pour permettre une meilleure connaissance de cet animal et proposer de nombreux événements à l'occasion de cette découverte. Il n'y a pas beaucoup de vautours ici. Non, on pense pas aux mêmes. Nous, on pensait aux oiseaux. Ceux-là, faut les protéger. Énergie Nouméa, 93.5. Plus de multiplier par moins. Joue au jeu de l'addiction Cadbury. Si tu trouves le bon résultat, tu gagnes le panier garni de chocolat Cadbury et tu participes en fin de mois au tirage du gros lot. En septembre, c'est un smartphone Microsoft Lumia 532 noir, simple SIMS 8Go d'une valeur de 17 900 francs à gagner. Tu veux gagner des chocolats Cadbury et peut-être le super cadeau? Écoute Énergie et trouve le résultat de l'addiction Cadbury. Jusqu'au 18 septembre, c'est l'anniversaire Bricorama Dressing Module Kit. Deux tiroirs, quatre tablettes, une tringle à 19 900 francs seulement. Bricorama du lundi au dimanche matin, 6 rue Forest à Ducos. Déco, brico, bâti, jardin. Le meilleur choix, les prix bas, c'est Bricorama. Tapas, cocktail, concert, le rendez-vous incontournable, c'est la Barca Baie des Citrons. La Barca, ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 2h du mat. Sans oublier l'afterwork tous les soirs. La Barca, le bar branché de la BD. Retrouvez toute l'actualité sur Facebook. Ça y est, le complexe de Soccer NC ouvre ses portes le 7 septembre en partenariat avec Énergie. T'es un passionné de foot ou de futsal? Le soccer est fait pour toi. Pendant 3 jours, c'est free. Du 7 au 9 septembre, monte ton équipe de 5 personnes maximum et découvre gratuitement pour 30 minutes le revêtement spécialement conçu pour le soccer des terrains indoor et outdoor. Entre deux matchs, fais une pause au clubhouse dans une ambiance sportive et conviviale. Le complexe de Soccer NC sera ouvert 7 jours sur 7 à Ducos, 3 jours d'entrée gratuite du 7 au 9 septembre. Toutes les infos et le plan d'accès sur Facebook Soccer NC Ducos. Réserve au 94 68 69. Quoi, fin valable? Ben, jusqu'au 30 septembre, chez Toyota, c'est moins 400 000 sur les Land Cruiser simple cabine. Ah, ok, fin valable. Eh, mais attends, c'est pas fini. Toyota réouvre son showroom fin beau à Ducos et son service après-vente fin parfait au 6e kilomètre au rond-point de la GBNC. Trop choc. C'est net. Toyota. Toyota vous attend dans son nouveau showroom 12 rue Lavoisier à Ducos. Info sur Facebook ou sur www.toyota.nc. Toyota, toujours là pour vous. 25 52 52. Le 05 34 34, c'est le numéro vert d'énergie et c'est gratuit. Avec Olala, pour le plaisir de séduire, mettez plus de sensualité dans votre vie. Olala, votre love shop sur Lanzata. Info route, besoin d'un renseignement, d'intervenir à l'antenne, de râler, de nous aimer? Composez le 05 34 34, le numéro gratuit d'énergie. Plus la peine de vous tracasser sur la durée de votre appel. Le 05 34 34, c'est gratuit. Grâce à qui? Olala, conseil et discrétion à votre portée sur www.olala.nc pour le plaisir de séduire. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Le point établi par Météo France. Alors, ce matin, le soleil brille sur toute la façade ouest, le sud et le nord des Loyautés. Il doit composer ailleurs avec des passages de nuages bas, notamment sur l'est, où il donne quelques ondées. Ces nuages se dissipent en partie en cours de matinée, alors que d'autres amas nuageux arrivent sur Marais et Lifou. Dans l'après-midi, le soleil reste généreux sur l'ouest, le sud et Ouvéa. Le vent s'oriente progressivement au sud-est, généralement entre 10 et 15 nœuds, temporairement 15 nœuds sur l'ouest, pour des températures maximales qui sont stables et généralement comprises entre 25 et 29 degrés. Alors, est-ce que le temps d'été qu'on a eu pour ce week-end va se poursuivre? Bien oui, pour mardi en tout cas, le beau temps persiste sous un ciel où circulent parfois des bandes de nuages élevées. Toutefois, quelques averses passagères remontent sur le sud, l'est et les Loyautés avant de gagner le relief l'après-midi. Enfin, la tendance pour mercredi nous donne encore une belle journée bien ensoleillée malgré quelques averses passagères sur le sud et les Loyautés. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. In New York, they want me, and I'm gonna be there. That city's calling, and I'm gonna be there. In Paris they want me, and I'm gonna be there, spreading the vibe all over, yeah. I'll rush the lion calling them, shilly dilly wally dilly dilly, shilly shilly yeah, shilly dilly wally dilly dilly, yeah yeah. The vibe is so right. Brother, send him all my love. He's giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound, daddy boys. Walk him open as a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. Yeah, walk him open as a one of the band. What you see is what you really need in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Only see that I la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 m² de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. Au cours de la semaine et des jours qui viennent, vous entendrez parler du futsal, puisque une salle lui est dédiée. Elle ouvre très très prochainement, du 7 au 9 septembre. Il y aura une deux grosses journées pour en profiter. Donc restez bien à l'écoute d'Énergie, partenaire du soccer, du futsal. Et c'est l'ouverture le 10 septembre. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Il est 6h30, bonne fête au Raïssa et bonjour à Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Un gendarme a évité le pire dimanche matin sur un contrôle d'alcoolémie à Thiot. Il était 6h45 lorsqu'une 206 Peugeot a déboulé en plein régime dans le virage. Le conducteur a brièvement ralenti avant de prendre de la vitesse. Évitant les herses, il a foncé sur un gendarme avant de prendre la fuite. Heureusement, l'agent a eu le réflexe de s'écarter et s'en sort avec une blessure légère au tibia. Une enquête est en cours. Vêtus de leurs plus beaux apparats, les représentants des 14 associations indonésiennes du Caillou ont sorti le grand jeu pour le sultan du Yogyakarta et sa délégation d'une quarantaine de personnes. Sa visite pour les 120 ans de la présence indonésienne revêt une forte valeur culturelle et sentimentale. Et puis un Calédonien à l'honneur, auteur d'une thèse de géographie sur les territoire et la mobilité kanak, le Calédonien Pierre-Christophe Panse, jeune docteur en géographie, s'est vu remettre le prix des Trois Océans par la ministre de l'Outre-mer pour son parcours étudiant. Ce prix récompense le parcours original et exemplaire des étudiants venant des différents territoires ultramarins et il met en valeur une personnalité novatrice qui s'engage pour l'avenir de la jeunesse et des Outre-mer. Au régional, en Allemagne, l'extrême droite inflige un sérieux revers à Angela Merkel. Son parti, l'Union chrétienne démocrate, le CDU, a essuyé un sérieux revers dimanche aux élections régionales du Mecklembourg-Poméranie occidentale. Selon les premières estimations, la CDU obtiendrait un peu plus de 19% des voix, 2 points derrière le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, l'AFD, qui recueillerait un peu plus de 21% des suffrages, et plus de 10 points derrière le parti social-démocrate, qui dépasserait de peu la barre des 30%. Ce résultat n'est pas vraiment une surprise. Depuis plusieurs semaines, tous les observateurs constataient que l'AFD jouissait d'une dynamique favorable. Il faudra désormais l'appeler Sainte Thérèse de Calcutta. Ce dimanche 4 septembre, Mère Thérèse a été canonisée à Rome par le pape François. Le souverain pontife a prononcé en latin la formule consacrée, je cite, « Nous déclarons la bienheureuse Thérèse de Calcutta sainte et nous l'inscrivons parmi les saints en décrétant qu'elle soit vénérée en tant que telle par toute l'Église. » Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. I wasn't Le Morning Energy. Avec Materio Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Dans un instant, l'horoscope sur énergie. Ensuite, il y aura l'excellent Evita avec Elena. Elena, pourquoi tu veux pas? Elle veut bien l'horoscope, Elena. Et puis ensuite, on vous parlera de Raïssa en détail, les chiffres et le caractère. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, bon lundi 5 septembre, c'est votre horoscope avec les béliers. C'est dans le travail que vous vous êtes fait de nouveaux amis, mais vous ne mélangez pas tout. Taureau, l'ambiance astrale indique qu'une amitié de longue date pourrait prendre une tournure romantique. Gémeaux, face au comportement d'un collègue de travail, vous vous rebellerez, le ton montera. Cancer, ne dépassez pas vos limites physiques, votre corps n'y résisterait pas, pensez à décompresser. Lion, avec une lune agressive, aussi votre vie amoureuse connaîtra des hauts et des bas. Vierge, il ne faudra pas vous demander des comptes ou chercher à vous enfermer. La liberté sera votre philosophie. Balance, libre dans vos approches amoureuses, vous afficherez une ouverture d'esprit et de cœur. Scorpion, vous devriez recevoir une offre qui ne se refuse pas. À fleur de peau, les Sagittaires, tout vous irritera en couple. Un vent de révolte soufflera dans votre relation. Capricorne, soyez intéressé par le monde qui vous entoure. On vous reprochera de ne penser qu'à vous et d'être indifférent envers vos proches. Verseau, vous aimerez séduire et être séduit. Et les Poissons, sur le plan professionnel, votre talon d'Achille réside dans votre gestion du stress et de vos émotions. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. Que nous presserions entre nos bras. Et d'un seul je t'ai envoûté d'une gorgée conquise. Avant que la rivière n'ait quitté son lit. Elena, ah, pourquoi ne pas me passer ma boîte à tabac? Nous enroulerions entre nos draps et un à un nous les. Avant que le vent n'emporte mes paroles. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, je piche pas, non. Pourquoi, Elena, pourquoi tu veux pas? Elena, vraiment je ne comprends pas. Elena, me passer ma bouteille de tequila pour apaiser nos chairs enflammées. Brûler les mots et les forêts avant que le feu n'ait plus foncé. Pourquoi ne pas me passer ma boîte à mancer? Que de nos lèvres autour du filtre roulé, nous puissions cultiver l'amour avant que la dernière tout ensevelie. Tout ensevelie, ma jolie. Je comprends pas, j'imprime pas, je piche pas, non. Pourquoi? Je comprends pas, j'imprime pas, je piche pas, non. Bring it back. Hey, hey. hey, I can't forget you, baby. I think about you every day. I try to masquerade the pain. That's why I'm next to the roof. The dance to the roof. But there is no, there is no. Baby, it feels so fine to dance to the beat of that heat between you and I. Free, free to the morning light. We like to live life and pour them shots up in the glass. But there is no, there is no. Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Vous avez rendez-vous également avec la Blues Cup Race. C'est le week-end des 17 et 18 septembre, donc dans 15 jours maintenant. Kite surf, il y aura du windsurf, du va, du stand-up paddle, du kayak, des dériveurs, des habitables. Et puis les catamarans, ils seront tous là pour la grande traversée multi-sport hein, pour cet événement incroyable. Il y aura des initiations gratuites d'ailleurs de stand-up paddle, de windsurf, de catamaran et de voilier. Ça va se passer sur Lanzuata. Énergie est partenaire de cet événement, comme il est partenaire du grand challenge anniversaire de la piste de karting. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Pour le moment, on parle de Raissa, dont c'est la fête aujourd'hui. Raissa, dont le prénom est plutôt rare. En effet, sa meilleure année, c'était 2002, avec 4 naissances cette année-là. Et depuis 1900, seulement 16 filles ont reçu ce prénom d'après l'INSEE. Alors l'âge moyen de Raissa est de 9 ans et avec Raissa attendez-vous un caractère hors du commun. Les Raissa sont synonymes de grandeur, de dépassement de soi et d'aspiration élevée. À suivre dans un instant sur Energy la nouveauté avec Matcom et Willy William. Écoutez ça, Keep Me Cool. Énergie, il est 7h10. Énergie Nouméa. 93.5. Tu cherches un bateau ou tu veux équiper ton bateau? Pense Speed Marine. Membre du réseau Acastillage Diffusion à Nouville-Plaisance et sur Facebook Acastillage Diffusion NC. Le Festival Culture et Nature, les couleurs de Deva, est de retour les samedis 17 et dimanche 18 septembre. Plus d'informations sur province-sud.nc. Chic, les nouveautés sont arrivées chez Chouchouz. Découvrez en exclusivité les chaussures Star Wars chez Chouchouz. Chouchouz, rue Sébastopol, double sur Couf et sur Facebook. Envoie Mel Gibson au 41. Mais non, c'est pas Mel Gibson qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo. Bravo. Envoie Melbourne au 411. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 411. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 411. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage au sort le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Sawadika! Kanikatai Bien-être au quartier latin de 9h à 20h du lundi au dimanche au 29 89 89 et sur Facebook. Parking assuré. Tu ne sais pas où déjeuner à midi? Rendez-vous à la Barca BD Citron. Tous les midis, c'est suggestions à la carte et moules frites toute l'année. Sans oublier les fameux tapas. La Barca, ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 3h du matin. La Barca, votre brasserie branchée de la BD. Retrouvez-nous sur Facebook. Si toi aussi tu as l'esprit glisse, défie les éléments lors de la Blues Cup Race. En windsurf, kitesurf, paddle, vara, kayak, dériveur ou habitable. Participe le 18 septembre à l'événement phare de la glisse calédonienne, la traversée du phare Amédée à la plage de Lanzvata. Surf sur notre site www.ang.nc ou like la page Facebook Blues Cup Race et inscris-toi sur étiquette. La Blues Cup Race, un événement ASPTT Nouméa Glisse avec la participation du Maridé, Vive, OPT, Lagoon, Total, Excellium, Aloha, Blues Cup et énergie. L'Happy Time, c'est tous les jours de 9h à 11h avec un max de bonne humeur. Avec l'équilibre, votre restaurant du Nouvata. Mangez vite et sain entre mer et jardin. Dans l'Happy Time, c'est décalé, parfois même déjanté et surtout très vitaminé. Avec le restaurant L'Équilibre, dégustez tous les midis un buffet fraîcheur savoureux. Plus d'infos au 26 05 53 ou sur le Facebook l'équilibre.nc. L'Happy Time. All right, are you ready for this? Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, c'est ma radio préférée. Énergie, it's music only. Keep my cool. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ça meurt en vous. Et je suis censé rester cool. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ça meurt en vous. Et je suis censé rester cool. Ooh. Et je suis censé rester cool. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ça meurt. Comment veux-tu que je garde le contrôle si tu viens me tester? Tu es tout le temps en train de faire en sorte que je pète un plomb et tu le sais, tu le fais exprès. Je fais des efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le size. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Et quand je te vois, je suis censé rester cool. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Ça me rend fou. How am I supposed to keep my cool? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Ça me rend fou. Et je suis censé rester cool. Ooh. Et je suis censé rester cool. T'es sexy, ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean, try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. How to keep cool when this chick is so real. Blown off the meter, repeat to myself, keep calm when you meet her. Don't need to get drunk to talk for what that juice in your truck. How am I supposed to keep my cool? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Ça me rend fou. Et je suis censé rester cool. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Ça me rend fou. Et je suis censé rester cool. like teenage runaway. And God, I never thought we'd take it that far. Some killer queen you are. Now I'm running and I can't stop. Anywhere I go I think about it every day and night. I can't let go. Man, I'm never the same. We were shotgun lovers, I'm a shotgun running away. The bones out from the road. Those endless nights that we traveled, we stole. You let your clothes fall to the floor and lit a fire all the way to the moon. Now I'm running and I won't stop. I don't wanna go. I think about it every day and night. I can't let go. And hey, I'm never the same. It's 100 miles an hour on a dirt road. Avec un Coca-Cola bien frais, savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Du beau temps et encore du soleil pour ce lundi 5 septembre. On va souhaiter une très très bonne fête à Raïssa. Il est 7h dans la radio. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Un gendarme blessé lors d'un contrôle d'alcoolémie à Tchopi. Grosse percée de l'extrême droite aux élections régionales en Allemagne. Enfin, Mère Teresa a été canonisée. Voici donc quelques-uns des titres qui vont maintenant être développés par Delphine. Bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Et tout d'abord, ce véhicule qui fonce sur un gendarme, ça se passe à Tio. Un gendarme qui a évité le pire dimanche matin sur un contrôle d'alcoolémie à Tio. Il était 6h45 lorsqu'une 206 Peugeot a déboulé à plein régime dans le virage. Le conducteur a brièvement ralenti avant de prendre de la vitesse, évitant les herses. Il a foncé sur un gendarme avant de prendre la fuite. Heureusement, l'agent a eu le réflexe de s'écarter et s'en sort avec une blessure légère au tibia. Une enquête est en cours. C'est un piéton qui a été fauché à Canala. Un accident de la route qui a failli coûter la vie à un piéton samedi vers 18h45. La collision a eu lieu au niveau de la station-service de la tribu de Mérénémé à Canala. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait vraisemblablement confondu les deux axes sous l'emprise de l'alcool. Ce dernier a été évacué en hélicoptère vers le CHT de Nouméa accompagné du piéton, lui-même dans un état préoccupant. Ce pronostic vital n'est pas engagé pour l'instant, bien qu'il souffre d'un traumatisme crânien et de multiples fractures. La diaspora indonésienne déroule le tapis rouge au sultan de Yogyakarta. Vêtus de leurs plus beaux apparats, les représentants des 14 associations indonésiennes du Caillou ont sorti le grand jeu pour le sultan du Yogyakarta et sa délégation d'une quarantaine de personnes. Sa visite pour les 120 ans de la présence indonésienne revêt une forte valeur culturelle et sentimentale. La diaspora en a profité pour émettre des vœux auxquels le sultan s'est montré très attentif. Un Calédonien à l'honneur. Auteur d'une thèse de géographie sur les territoires et la mobilité kanak. Le Calédonien Pierre-Christophe Pantz, jeune docteur en géographie, s'est donc vu remettre le prix des Trois Océans par la ministre de l'Outre-mer pour son parcours étudiant. Ce prix récompense le parcours original et exemplaire des étudiants venant des différents territoires ultramarins. Il met en valeur une personnalité novatrice qui s'engage pour l'avenir de la jeunesse et des Outre-mer. Dans le reste de l'actualité, manifestation contre les agressions anti-chinois à Paris. Et au moins 13 500 personnes ont manifesté dimanche pour protester contre la violence et les agressions commises à l'encontre de la communauté chinoise et réclamer des mesures de protection supplémentaires, et ce, un mois après la mort d'un couturier chinois à Aubervilliers. Il s'agit de la quatrième marche organisée depuis l'agression le 7 août dernier de Zhang Shaolin, ce père de famille de 49 ans, par des hommes qui voulaient s'emparer du sac d'un de ses amis. Sa mort des suites de ses blessures le 12 août a suscité une vague d'émotion et d'indignation dans cette ville de la banlieue nord de Paris. Au régional en Allemagne, l'extrême droite inflige un sérieux revers à Angela Merkel. Pour Angela Merkel, en effet, la claque est brutale. Son parti, l'Union chrétienne démocrate, le CDU, a essuyé un sérieux revers dimanche aux élections régionales du Mecklembourg-Poméranie occidentale. Selon les premières estimations, la CDU obtiendrait un peu plus de 19% des voix, soit 2 points derrière le parti d'extrême droite alternatif pour l'Allemagne, l'AfD, qui recueillerait un peu plus de 21% des suffrages et plus de 10 points derrière le parti social-démocrate, le SPD, qui dépasserait de peu la barre des 30%. Ce résultat n'est pas vraiment une surprise. Depuis plusieurs semaines, tous les observateurs constataient que l'AfD jouissait d'une dynamique favorable. Mère Teresa a été canonisée à Rome. Et il faudra désormais l'appeler Sainte Teresa de Calcutta. Ce dimanche, Mère Teresa a donc été canonisée à Rome par le pape François. Le souverain pontife a donc prononcé en latin la formule consacrée, je cite, « Nous déclarons la bienheureuse Teresa de Calcutta sainte et nous l'inscrivons parmi les saints en décrétant qu'elle soit vénérée en tant que telle par toute l'Église. » Quelques 100 000 personnes étaient donc réunies place Saint-Pierre pour cette journée historique et parmi elles, des centaines de sœurs vêtues d'un sari blanc brodé de bleu. Ce sont des missionnaires de la charité, la congrégation que Mère Teresa a fondée en Inde en 1950, à leur côté des chrétiens de tous les continents qui sont venus lui rendre hommage. Washington et Pékin ratifient l'accord sur le climat. Et les États-Unis, la Chine, les deux plus grands pollueurs de la planète, ont en effet ratifié ensemble l'accord de Paris sur le climat, ce qui pourrait faciliter son entrée en vigueur d'ici la fin de l'année. Cette décision des deux puissances, qui représentent à elles seules 38% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est une étape majeure dans le processus de mise en œuvre de l'accord adopté le 12 décembre dernier à l'issue de la COP21, la 21e conférence des parties de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques. On passe à l'info insolite. Je pense qu'il y a un petit bonhomme qui a dû passer un sale quart d'heure. Le SAMU de Haute-Garonne a reçu il y a quelques jours la visite d'un enfant accompagné de son papa. Tiens-toi bien, il a porté une lettre d'excuse pour ces appels intempestifs. Alors, de recevoir des appels intempestifs, ça arrive. Des excuses, un petit peu moins pour eux. Et la lettre, c'est « Je m'excuse de vous avoir insulté ». Là, tu vois qu'il y a une correction. « Je ne recommencerai plus, je vous le promets. Je sais que vous sauvez des vies. Quand on vous appelle, c'est pour une urgence, pas pour des bêtises. » Ils ont publié cette lettre sur les réseaux sociaux qui une façon de faire de la pédagogie un petit peu, tu vois. Ah ben, tant qu'à faire de la pédagogie, je voudrais dire aux sales gosses aussi qu'on ne dit pas « Je m'excuse », mais « Je vous prie de m'excuser ». Déjà. C'est beaucoup plus difficile pour commencer. Allez, tu vas m'en coller une. Tu vas lui en coller une. Bon, voilà. Puis, on a des auditeurs qui nous ont appelés, qui nous ont dit, mais Delphine mériterait elle aussi d'être canonisée. Les garçons ne disent pas, oh, quel petit canon. Il a mais craqué, si. JB. Mais oui, ma belle. Je pense que je vais morfler à la fin de la semaine, c'est ça. T'es gentil lundi, mardi, mercredi, clac, ça va se clasher. Oh, peut-être même que dans 5 minutes, ça va s'empirer. Énergie, 7h06. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico, Païta et Point Bout. Le chiffre du jour ou de la semaine dernière, c'était 47 comme 47 ans. De quoi s'agit-il ? Ah, j'aime bien ça. C'est sur Facebook, un mec qui s'appelle James Lloyd, c'est un voyageur britannique qui a fait part de l'étonnant plan de vol avancé par Skyscanner. Skyscanner, c'est un site internet en fait qui compare les prix. Et pour relier Christchurch en Nouvelle-Zélande à Londres, en Angleterre, Skyscanner, lui, en effet, propose une escale à Bangkok. Alors, ça paraît sympa au départ, sauf que l'escale durait 413 786 heures et 25 minutes, soit une attente de quelques 47 ans dans la capitale thaïlandaise. Alors le comparateur de vol n'a pas tardé à répondre au Globetrotter, non sans humour, en lui disant « À moins que vous ne soyez un grand fan de The Terminal, je vous recommanderais de passer ces années en dehors de l'aéroport. » Voici quelques suggestions, ils lui font donc quelques propositions, et le modérateur du site répond également qu'il promet aussi de charger un technicien de régler ce petit problème. Si le mec met autant de temps à résoudre le problème que durait l'escale, c'est-à-dire 47 ans, il y a du boulot. Alors Terminal, je vous rappelle que c'était aussi un film de Spielberg sorti en 2004 qui s'inspirait directement de l'histoire d'un réfugié iranien qui était déchu de sa nationalité et qui était bloqué à l'aéroport de Roissy pendant de très nombreuses années. Ce film a inspiré ce fait divers a inspiré ce film The Terminal. Le gars d'ailleurs a vendu son scénario et il en a tiré une bonne somme, mais sa mésaventure avait déjà inspiré un film Tombé du ciel. C'est un film de Philippe Loiret, et le film avait déjà été écrit en 1993. Énergie, 7h12. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Hey la bande, avec Orangina on peut gagner un voyage de ouf en Nouvelle-Zélande pour 4 personnes. Ouais, j'ai vu ça, il y a du saut à l'élastique, canyoning, rafting, parapente. Et on fait comment pour jouer? Tu vas juste sur www.orangina.nc. Bah on attend quoi pour s'inscrire? Rien, je prends mon tel. www.orangina.nc, c'est parti. Orangina! Iris Cafeteria, votre restaurant de la galerie marchande Kenwin, vous propose ce vendredi 9 à partir de 17h30 un concert de funk rock avec le groupe Funk You. Venez profiter d'une ambiance festive en famille ou entre amis. Plus d'infos sur le Facebook Nouméa à table ou au 41 53 54. Ce vendredi soir à l'Aquarium, venez à la rencontre des dernières sirènes, les dugongs. Au programme, animation, conférences et jeux de piste sur les dugongs. Et toutes les demi-heures, compte sur les sirènes et balais aquatiques dans le bac des tortues. Programme complet sur la page Facebook et le site internet de l'Aquarium des Lagons. La nocturne dugong à l'Aquarium, c'est ce vendredi de 17h à 21h. Et toujours au tarif réduit, spécial nocturne. Pour un repas réussi, une seule recette, la Chaumière au Quartier Latin. L'ardoise du marché, les spécialités mijotées et une cuisine faite maison renouvelée chaque semaine. Profitez de la formule entrée plat ou plat dessert au choix, à la carte, pour seulement 2880 francs. Oui, vous avez bien entendu, 2880 francs midi et soir. Pour déjeuner sur le pouce, rendez-vous à la boutique traiteur du restaurant La Chaumière, sur place ou à emporter. La Chaumière, ouverte du lundi au samedi midi et soir au Quartier Latin. Réservation au 27 24 62. Envoie Mel Gibson au 41. Mais non, c'est pas Mel Gibson qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 41. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 41. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage au sort le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only. She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good. Every night about midnight. Come to my home. Make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street, she knock on my door. She's got my room, but it feels so good. You know what a woman do? Well, why she make me feel alright? She's a natural born woman, natural born soul sender, natural born woman, natural born soul sender. Come here by midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. Well, she called around. Whoa. 5 feet four. Midnight. From my head to the ground. Well, well. Come around here. Hold on by midnight. Till about midnight. Midnight, midnight. Man, she made me feel so good. Van Morrison est sur Énergie avec Gloria. Tous les matins de la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Énergie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Le challenge d'endurance, ce sera le samedi 17 septembre sur la piste du karting de Nakutakwin qui fête ses 10 ans de piste. Et c'est à partir de 17h. Alors écoutez-moi bien parce qu'il y a un superbe cadeau. Avec tes potes, si vous avez plus de 16 ans, vous faites une équipe. Vous allez représenter Énergie. Il faut une équipe de 5 à 8 pilotes. Et il suffit d'envoyer carte Énergie au 41 pour 368 francs le SMS. Tu vas participer au tirage au sort de lundi prochain, le 12 septembre à 14h. Et on offrira donc ce cadeau d'une valeur de 75 000 francs. Donc ça sera par relais, hein. C'est par une course d'endurance de 5 heures. Donc à vous de jouer, de tenter votre chance. Il y a les essais libres, il y a 60 minutes d'essai. Enfin, ça fera un vrai événement, une vraie belle fête. Les 10 ans de la piste de karting de Nakutakwin, le samedi 17 septembre. Carte Énergie au 41. Dans moins de 2 minutes, on fait un point sur la météo. Énergie, Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. www.a5.nc, le site de référence de la location de véhicules. Moins 10% si vous payez en ligne sur a5.nc. Le Best Café, c'est la pause déjeuner ou dîner rue de Sébastopol. Salade, grillade, légumes du jour et les suggestions, mais aussi un plat du jour à 1500 francs. Alors que l'on travaille au centre-ville ou lors d'une journée shopping, la pause Best Café, c'est la best idée. Best Café, le Best Café. 25 10 10.

détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Alors, les jeunes, par exemple, s'ils vous disent « je vais à DSM », ils vont à Dimbéa-sur-Mer. Mais oui, absolument. Eh bien, pour décrypter le langage des jeunes, rien de mieux que de s'adresser à Jocelyn Lemoine. Je suis assistant à éducation dans un lycée. Je travaille dans une Z. C'est une zone d'éducation disparue. C'est à Porte Clichy. Tu sais, l'éducation à la pile métro, arrivée à Porte Clichy, elle dit « on descend pas !» Moi, je pensais que j'étais encore au top. J'ai la trentaine, je mets les baskets, je dis « putain, c'est bon, tu kiffes la vibe, t'es là, t'es présent. » Sauf que quand je vais voir un jeune et que je lui dis « ça va ?» La plupart du temps, il me répond « bien, t'as vu ?» Et là, je me sens con parce que moi, j'ai rien vu, en fait. Alors, j'hésite de lui répondre. T'sais, je réponds pas, je prends le froissé, le jeune. Parfois, c'est lui qui vient à moi et qui me dit « Jocelyn, bien ou bien ?» Je dis « oh putain, il y a un piège. » Oh, je lui réponds bien, en esquivant des gestes, comme ça. Les filles, c'est différent. Elles sont toujours en train d'analyser mon style, toujours en train de dire « je suis bien coiffé, bien habillé ». Il y en a une dernièrement qui m'a dit « t'as le seum parce que t'as pas le swag ?» J'ai dit « non, mais j'ai des tic-tacs, si tu veux. » Elle m'a dit comme ça « non, mais t'es trop un bolos, j'avoue !» T'avoue, mais tu peux surtout garder le silence, quoi. C'est pour dire des conneries, comme ça. C'est dur, c'est jeune, mais moi, je me sens obligé de faire des blagues. Comme je suis humoriste et assistant éducation, des fois, je suis en permanence et je dis « allez, on va faire un maximum de bruit pour Kevin, à qui je vais mettre 4 heures de colle !» Là, le Kevin, il se lève, il dit « hey, tu sais pas qui je suis, moi !» Ben, j'ai dit, t'es con, t'es Kevin de la 4e. Il me dit, non, je suis un ouf. Ben, je dis, ouais, vous êtes tous des fous, de toute façon. Pareil, dans la cour de récréation, des fois, je surveille. Là, on a eu un hiver très très dur, il faisait très très froid. Et l'ado, c'est le seul être humain au monde qui peut se balader en t-shirt. Et il te regarde, toi, t'es en doudoune, t'es en gants, t'as tout mis. Il te regarde, il fait, t'as froid. Bah ouais, on a tous froid, tout le monde a froid, sauf toi. Il est con, ce gosse. Et je me suis aperçu d'un truc bizarre, c'est que les garçons frappaient les filles. Alors moi, je suis choqué, j'interviens, je dis « oh, le jeune, pourquoi tu la frappes ?» Il dit « je la frappe pas, je la kiffe. » Je la kiffe. Moi, parce que ma chérie me demande toujours si je l'aime, maintenant je lui mets des coups de tête. Ça passe bien. Voilà, elle sait pas pourquoi, mais moi je sais que je suis en référence à mon taf, donc je suis léger, je suis bien. Pareil, ils se sont toujours obligés de revendiquer des trucs. Là, je vois dans le lycée où je bosse, ils mettent partout PSO, PSO. Alors moi, je vais voir, parce que j'ai quand même au devant de la jeunesse, je dis « oh les gars, c'est quoi votre truc, la PSO? C'est votre syndicat ?» J'ai « respect, c'est notre quartier, Porte-Saint-Ouen !» Autant pour moi, moi je viens du double M, Montmartre. Eh là, ça on jette, hein. Ils osent plus frimer avec moi. Moi, il y a quand même des jeunes avec qui je frime, c'est les sixièmes, tu sais. Ils font 1m20, t'as juste à mettre un coup de... Là, le sixième, il peut se péter la clavicule, il va pas broncher. Hein. Par contre, tu lui dis « carnet !» Et là, il est comme ça, le jeune, il fait du break, tellement il flippe. Il te dit « mais les troisièmes, j'en ai rien à foutre des troisièmes !» Toi, je t'ai vu en train de faire le con, lui, je l'ai pas vu. Ça, c'est pour asseoir l'autorité, comme ça. Avant, je faisais un métier plus cool. Je travaillais dans la publicité, notamment les slogans publicitaires. Donc maintenant, je suis toujours en train de les analyser. Il y en a trois que j'ai relevés avant de venir, c'est celui de Quick. Quick, nous, c'est le goût. Sans déconner. C'est sûr que c'était Quick, nous, c'est les chiottes. On n'irait jamais manger chez eux, quoi, c'est vrai. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui de Conforama. Conforama, le pays où la vie est moins chère. Le pays ? C'est quoi la capitale de Conforama ? Attention, moi j'étais une bête en géo, mais Conforama... Ah si, il y a des mecs, c'est qui veulent toujours paraître intelligents, ils disent « Eh oh, ouais, Conforama, c'est en Amérique du Sud. » Hola chico, tu viens Conforama ? Aïe, aïe, aïe. Arrête tes conneries. Mais mon préféré, ça reste quand même celui de Auchan. Auchan, la vie la vraie. Et c'est vrai, c'est vrai. Moi, souvent, quand je fais mes courses avec ma nana, je lui dis « Oh chérie, pose-toi 5 minutes, là. On n'est pas dans la vraie vie. » Je lui dis « Kiffe, allez, kiffe un peu. » Quand je suis vraiment chaud à Auchan, ce que je fais, je décongèle 2-3 merguez. Et je vais les faire cuire sur un barbecue, tu sais, en modèle d'expo. Là, on est bien, là. Et je dis à ma nana, prends-moi en photo, prends-moi en photo. Donc elle, elle prend en photo, puis je les mets sur Facebook, et en légende, je mets « La vraie vie ». Et là, les mecs, ils se disent « Putain, mais Jocelyn, là, il a une vie de dingue. » Et des fois, j'ai des potes à moi qui viennent avec moi, on passe dans l'année centrale, comme ça, et on fait « C'est la vraie vie !» J'adore faire ça. J'aime aussi beaucoup regarder la télévision. Dernièrement, j'ai suivi La Nouvelle Star. Ah, j'ai beaucoup aimé l'émission, sauf qu'il y a la gagnante. Elle s'appelle Sophie Tite. Sophie Tite, on dirait un nom de maladie, tu sais. Ça va pas ? Ah non, putain, arrête tes conneries, ça fait 3 jours que j'ai une Sophie Tite. En plus, je suis pas vacciné, je te dis pas la connerie, là. Quand j'étais plus jeune, j'adorais L'Île de la Tentation. Vous vous souvenez de cette émission, L'Île de la Tentation, c'est des couples qui allaient tester leur amour. En fait, pendant 15 jours, ils allaient niquer. Puis c'était payé, c'était bien. Et à la fin du jeu, il y avait un feu de camp. Et on montrait des vidéos aux candidats. Alors, Jean-Jacques, qu'est-ce que vous voyez? Bah là, je suis en train de voir Nathalie. C'est son cul, je reconnais son cul. Bah, elle se fait pécho dans une piscine. Hein, bah, j'ai les réponses à mes questions. Mais ça va, je suis un bonhomme. 2 minutes plus tard, on le voyait pleurer derrière un palmier. C'est dur, mais la première saison, c'est celle qui m'a le plus marqué. Il y avait Brandon et Diana. Et Brandon était persuadé qu'il s'était fait tromper par Diana. Et le mec, il a ramassé un bout de bois. Il s'est dit, j'en ai rien à foutre, je vais retrouver Diana. Ouais. Alors, c'est connerie, Brandon. Je l'ai recroisé dans une émission de télé, il parlait aux arbres. Ça va, toi? Et peut-être qu'il a cru que l'arbre allait lui répondre. Mais c'est pas mon émission préférée du moment. En ce moment, je suis à fond sur Un Dîner Presque Parfait. J'adore l'émission, sauf que je trouve qu'au niveau du titre, on s'est fait arnaquer. Moi, je pense que presque, ça veut rien dire. J'ai jamais un pote qui m'a dit « Oh Joss, mardi, on a une grosse soirée. Hein. Eh bien, il y aura de la meuf, et elles sont presque bonnes. Ouais. » Pas envie de venir à ta soirée, moi. Puis il y a un moment perturbant, c'est au moment de la note. Je sais pas si vous l'avez constaté, ils sont toujours assis sur la salle de bain ou sur les chiottes. Bah moi, au niveau de la soupe de courgettes, j'étais parti pour Métis. Oula ! Vu la taille de la courgette, finalement, je vais mettre 8,5. Elle est bien passée, celle-là. Mais malgré tout, l'émission que je préfère pour l'assistant éducation que je suis, c'est Pascal, le grand frère. Eh, c'est un fou, ce Pascal. Hein. Des fois, les gosses, ils sont dans leur chambre, ils disent « Oh, range ta chambre, là, Pascal !» Et ils sont blêmes, c'est « Ouh, putain !» Sauf qu'on n'a jamais vu Pascal, le grand frère, à Sarcelles. Pourquoi? Bah, ça donnerait ça. Bonsoir. Aujourd'hui, Pascal, le grand frère, est à Sarcelles. Aujourd'hui, Pascal est décédé. Adieu, Pascal. Et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. Let me make you come again. Hush, hush, don't tell no one. Undercover, Mr. Lover, yeah. Got enough to turn you on. Waiting long, long, long to get your call. Oh, don't you need somebody in my room? You're alone, alone, alone, you want me now. I miss that all night trip to dinner. I'm on, run, run, run, red, red lights. I miss that couple of your up all night. Then take it slow, slow, slow with you all night. So make me squeeze you tight. Cause I promise if you let me go, I'ma do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till I daylight. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. Allez, l'anniversaire de tous ceux qui sont nés un 5 septembre. Enfin, on va faire une sélection quand même, on va pas parler de tout le monde. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami d'Empico. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. Avec Gérard Louvain pour commencer, il a 70 ans, il est producteur, mais non, il ne sera pas ce soir dans TPMP avec Cyril Hanouna. Il sort de la saison, il a incarné Batman, c'est de Tim Burton, c'est l'acteur Michael Keaton qui a 65 ans. Nous avons aussi Freddie Mercury qui était né un 5 septembre, décédé à l'âge de 45 ans. Il était né dans le protectorat de Zanzibar, dans l'océan Indien. Auteur, compositeur, chanteur et musicien britannique, il a établi sa réputation internationale en tant que chanteur du groupe de rock Queen. Il y avait aussi We Will Rock You. Encore Kind of Magic. Allez, tout de suite, c'est Van Der Koot sur Énergie qui a inventé le baccalauréat. C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marine, Nouvelle Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie Nouméa, 93.5. Pour l'apprentissage. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. Chérie, je t'emmène au resto ce soir avec les enfants. T'as gagné au bingo ? Non, j'ai réservé sur le nouveau site Reza.nc. Il y avait une promo à ne pas rater. C'est génial ça ! Ouais, sur Reza.nc, tu peux avoir des remises jusqu'à moins 50%. Et ça marche aussi pour les hébergements et les activités. Tu réserves tout ça sur le même site ? Oui, c'est ça. www.reza.nc. Reza.nc ? Cliquez, réservez, économisez. Pour ta santé, bouge au moins 30 minutes par jour. Comme si j'avais le temps d'aller faire du sport. Mais maman, tu peux aussi bouger à la maison. Et bouger à ton travail. Ou en faisant les courses. Ou à chaque fois que je dois me déplacer alors. Tu sais, j'ai vu plein de bonnes idées sur Internet. Tu veux que je te les montre ? Toi aussi, pour bouger malin au moins 30 minutes tous les jours, découvre plein d'astuces sur Facebook et www.mangemieuxbougeplus.nc. Ceci est un message de l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Le Car Park de Nakutakoin fête ses 10 ans en faisant la course du 17 septembre. Envoie carte énergie au 4011. Toi et tes potes, vous avez plus de 16 ans et vous rêvez de représenter énergie en participant à cette course d'endurance de 5 heures? Envoie carte énergie au 4011. Constitue ton équipe de 8 pilotes et gagne ton inscription d'une valeur de 75 000 francs en envoyant carte énergie au 4011. Tirage au sort de l'équipe gagnante le lundi 12 septembre à 14h. Envoie carte énergie au 4011, 368 francs le SMS. Et gagne l'engagement de 8 pilotes pour l'endurance du 17 septembre. La course d'endurance du Car Park Pacifique, c'est samedi 17 septembre à partir de 17h sur le circuit de Nakutakoin. Envoie carte énergie au 4011. Jeu gratuit, bulletin disponible à énergie. Énergie Nouvelle-Calédonie. Music Station. Nous, c'est énergie non-stop. Énergie, it's music only. La minute du professeur Van der Kroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Van der Kroot. Qui a inventé le baccalauréat? C'est important d'avoir son bac. Ça vous ouvre le droit d'aller étudier durant 6 années dans une université délabrée, de galérer ensuite pour trouver un boulot payé au SMIC, de travailler 50 heures par semaine pendant 45 ans et de mourir dans d'atroces souffrances à cause d'une maladie non remboursée par la Sécu. C'est important d'avoir son bac. Le baccalauréat a été créé au Moyen-Âge avec l'Université de Paris avant d'être recréé par Napoléon Ier en 1808. Cette même année, il n'y a que 21 bacheliers de riches bourgeois et tous des hommes. Pourquoi ? Et nous alors ? Eh là ! Pas besoin du bac pour essorer la salade et passer le balai. Il faudra attendre 1861 pour que la première femme de l'histoire obtienne son diplôme. Julie Victoire d'Aubier. Sans anti-sèche et sans calculatrice. D'ailleurs, jusqu'en 1924, le bac des garçons et des filles n'est pas le même. Bah Bernard, qu'est-ce que tu fais en jupe ? Je passe le bac des filles là. Hein ? Bah il est plus facile. Depuis, l'épreuve est la même pour tout le monde et les filles s'en sortent bien mieux puisqu'elles sont les plus nombreuses à l'obtenir chaque année. Quant au recalé du baccalauréat, il finit en stage chez tonton Van der Kroot. Ouais, bah va falloir bien bosser alors les gars. Hein ? Mais ne pas avoir son bac n'est pas une fin en soi, stagiaire Bernardin. Brassens ne l'a pas eu. Ah ! Ni Georges Marchais, Alain Delon, Gérard Depardieu ou encore Jean-Pierre Pernaut. Ah ben lui ça se voit. Ah bon, vous trouvez? Ah ben oui, ouais, maintenant que vous le dites. Vous saurez tout dans la minute du professeur Van der Kroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à Vendruna, je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir. Tu ne m'appartiens pas. Une violente envie de descente lorsque t'embrasses ces gars. Je ne ferai point d'enfant, tout cela ne m'atteint pas. De rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir. Quand tu ne m'appartiens pas. Quand tu ne m'appartiens pas. tu m'attaches les bras. Quand je fais sautiller sa frange, ses cris se tirent dans les gras. Revoyeur, heureusement, moi je ne veux que une âme. De plus belles et plus belles jambes et de la place pour trois. Dis-moi si je dois partir. Tu ne m'appartiens pas. Don't you shut your eyes and hide your heart behind the shadow. Cause you can count on me as long as I can breathe. You should know. Sure I will. Énergie Nouvelle-Calédonie. Il est 8h et c'est encore une belle journée comme un week-end que nous aurons dans notre ciel bleu et beaucoup de soleil. Bonne fête à Raïssa. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Un véhicule fonce sur un gendarme à Thiou pour éviter les herses. Heureusement, l'agent a eu le réflexe de s'écarter et s'en sort avec une blessure légère au tibia. Une enquête est en cours. Un piéton fauché à Canala, le conducteur aurait vraisemblablement confondu l'axe de la station-service avec la route. Le piéton se trouve dans un état préoccupant. La diaspora indonésienne a déroulé le tapis rouge au sultan de Yogyakarta. Sa visite pour les 120 ans de la présence indonésienne revêt une forte valeur culturelle et sentimentale. Auteur d'une thèse de géographie sur les territoires et la mobilité kanak, le calédonien Pierre-Christophe Pants, jeune docteur en géographie, s'est vu remettre le prix des trois océans par la ministre de l'Outre-mer pour son parcours étudiant. Des milliers de membres de la communauté chinoise d'Île-de-France se sont réunis dimanche à Paris, un mois après l'agression mortelle de Zhang Shaolin, pour réclamer davantage de sécurité et la reconnaissance du racisme anti-asiatique. En Allemagne, l'élection régionale du Mecklembourg-Poméranie occidentale a vu ce dimanche une forte percée de l'extrême droite. Si le scrutin a été remporté par les sociaux-démocrates du SFPD, le parti anti-migrant AfD a pris la deuxième place devant la CDU d'Angela Merkel, qui est pourtant élue de la région. Il faudra désormais l'appeler Sainte Teresa de Calcutta. Ce dimanche, Mère Teresa a été canonisée à Rome par le pape François. Enfin, les États-Unis, la Chine, les deux plus grands pays pollueurs de la planète, ont ratifié ensemble l'accord de Paris sur le climat, ce qui pourrait faciliter son entrée en vigueur d'ici la fin de l'année. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. On débute par l'US Open. Également, fils a réalisé une prestation de haut niveau pour dominer Marcos Baghdatis, 6-3, 6-2, 6-3. C'était dimanche en huitième de finale de cet US Open. Le Français affrontera Rafael Nadal ou Lucas Pouille pour une place dans le dernier carré. Lucas Pouille qui fait en ce moment trembler Nadal après son quart de finale à Wimbledon. Il pourrait rééditer l'expérience à Flushing Meadows à condition d'éliminer Rafael Nadal. Le jeune Français joue libéré et mené 1-7 à 0-6-1, mais le deuxième set est remporté par Nadal, 2-6, et puis là, on joue le troisième set, 2-0, donc match qui n'est pas terminé à suivre. Sinon, Joe Wilfried Tsonga est aussi qualifié pour les quarts de finale. Il a finalement tenu son rang face à l'Américain Jack Sock, 6-3, 6-4, 6-7, 6-2. Du côté des filles, ça roule. Éliminé ensemble, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic brillent en double. Les deux femmes se sont facilement qualifiées pour les quarts de finale. Dans le top 14, Montpellier se remet la tête à l'endroit. Après deux premiers revers en top 14, Toulouse, puis face à Clermont, Montpellier n'a pas tendu une troisième fois la joue. Son déplacement sur les terres de l'Union, Bordeaux-Bègles était un troisième test. Et bien cette fois-ci, c'est une leçon de maîtrise et de puissance que les concurrents au titre ont donné. Leur victoire 15-32 sonne le réveil héraulté. Le match Racing-Toulouse vient de se terminer également par la victoire du Racing, 28-14. Le Grand Prix d'Italie de Formule 1 revient à Nico Rosberg. Et grâce à deux victoires d'affilée en Belgique puis en Italie, Nico Rosberg sur Mercedes revient à deux points de son rival préféré, Lewis Hamilton, toujours en tête du championnat du monde de Formule 1, malgré un départ raté dimanche à Monza. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec FitZone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Bonjour, bonjour et bon lundi 5 septembre. Eh bien, ce matin, il y aura de l'action dans Caféine avec le bidule, la chose, The Beer Duel qui se monte à 35 000 francs. Et JB va rester avec moi justement pour jouer avec vous et écouter vos propositions, n'est-ce pas JB? Je vais même tout noter. Bah voilà. Ouais. Ce sera le 36 67 67 pour vos appels. Ce sera dans 10 bonnes minutes. Vous pouvez consulter les propositions qui ont déjà été faites. Ce serait intelligent même sur le site www.energie.nc. Bah oui, ça évite de dire des conneries. Hein. On va vérifier. merci. Oui, parce que moi, les mauvaises propositions, ça me met hors de moi. Alors, comme c'est lundi matin, on va commencer du bon pied. Non, je plaisante. Allez, c'est Casino Johnston qui joue avec nous pour le bidule, bien entendu, encore une fois. Et puis, dans Music News à 8h30, Zara Larsson nous présente eh bien, son nouveau single. Et puis, on va rire un peu, tiens. Parce que vous connaissez peut-être pas le vrai nom des stars du rap. Vous savez, les gros durs, là, avec les grosses chaînes et les gros portefeuilles, bien sûr. Bah, par exemple, Pitbull, tu sais quoi son prénom, Delphine ? C'est Chihuahua. Ah non ! Même pas, c'est Latinos. Vas-y. Eh ben c'est Armando. Alors Armando, c'est sûr que ça sonne moins méchant que Pitbull. Voilà, bah, il a gardé la même rage. Allez, on va écouter le nouveau single du groupe The Pretty Reckless. Tiens, puis on se retrouve après. Le bidule, n'oubliez pas, dans 10. Can I play? You know I can't.